cours numéro 15. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. قال الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى ذكر كراهية المعاداة للناس. هذا الباب c'est toujours lié aux relations qu'on peut avoir avec les autres. فتقدم معنا l'importance de الأخوة والفraternité, الحب في الله عز وجل et tout ce que ça implique من تعاون ونصح ونصرتين, le fait de se conseiller, de s'entraider, de se secourir, de s'aimer في الله عز وجل. Et في هذا الباب ذكر ذكر كراهية المعاداة للناس. المعاداة c'est le fait de prendre quelqu'un comme adou, comme ennemi. Et l'animosité entre واحد et un autre. فقال هنا ذكر كراهية المعاداة للناس. Et là, chacun, les gens, ils sont pas tous au même niveau, هنا, في المعاداة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. On doit aimer une catégorie de personnes, c'est les croyants. Et on doit détester une autre catégorie, al-kafara, al-mujrimin, les mécréants. وقال الله سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Donc في هذه الآية الله سبحانه وتعالى il a cité cet exemple qu'on doit suivre. Ibrahim alayhi salatu wassalam. Faqala azza wa jal qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Un excellent modèle fi Ibrahim. Et parmi les choses dans lesquelles on doit le suivre alayhi salam, ce point concernant l'iman, la foi, qala إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله براء من الشرك أهله. Se désavouer du shirk et ceux qui font du shirk qui adorent autre qu'Allah. Et كذلك نعم نعم on a dit البراء من الشرك نعم et كذلك من أهله أي ceux qui font le shirk et ceux qui font du shirk. قال كفرنا بكم. Ça c'est le حكم أن المؤمن لا cette conviction أنه يعتقد كفر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أي le croyant il a cette conviction أن بعض الناس c'est des kafara pas parce que c'est un tel ou un tel من الناس qui l'a décidé là لأنهم كفروا بالله لأنهم ils ont mécru en Allah سبحانه وتعالى أو son messager أو son livre. قال وبدا بيننا وبينكم العداوة أي entre nous et vous العداوة والبغضاء. البغضاء c'est le fait de les détester. العداوة c'est le fait de les prendre comme ennemis. قال عز وجل أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده أي pour toujours. Et la seule chose qui peut modifier هذه العداوة et هذه البغضاء est le fait qu'on déteste les kuffars et pour nous c'est des ennemis. Pourquoi? Parce que c'est des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. La seule chose qui peut changer ça, c'est l'iman. Hatta tu'minu billahi wahda. Et s'ils se repentent, qu'ils se convertissent à l'islam, ça devient nos frères. Fillah azza wa jal. Wa qala subhanahu wa ta'ala dans l'autre verset, humul adou, fahdharhum, en parlant des hypocrites. Fakadhalik, c'est des ennemis pour les croyants. On a cité ces deux exemples pour montrer que al-mu'ada c'est pas dans tous les cas comme a dit Ibn Hibban rahimahullah makruh, détestable ou haram ou on doit la délaisser. Là, une partie ça fait partie de notre din, mais ça fait partie de notre foi. Amma al-adawa bayna al-mu'minin, amma l'animosité entre croyants et hada il déteste son frère croyant et un autre il prend comme ennemi son frère croyant. Fahada, c'est min al-shaytan. قال الله عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. تأمل ce verset. الشيطان qu'est-ce qu'il veut? أن يوقع بينكم أي entre les croyants qu'est-ce qu'il veut faire cet ennemi d'Allah سبحانه وتعالى الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء أي la haine, l'animosité, vous vous détestez entre vous, في ماذا في الخمر والميسر. Ça c'est des choses qui causent العداوة والبغضاء. لماذا؟ لأن الخمر c'est l'alcool, الميسر c'est les jeux de hasard. Ces choses, ça peut pousser, voilà, chaque un deux frères, deux amis, deux proches, deux alliés, ils se détestent à cause de l'alcool ou à cause des jeux de hasard. Et هذا c'est معروف. Et on ne détaillera pas, ce n'est pas le but de notre tarz. Et avec cela, l'adawa peut arriver entre un musulman et un autre. Les asbab, كثيرة, pour plusieurs raisons. Et Ibn Hibban, rahimahullah, fi هذا الفصل الجميل, بين بعض المسائل المهمة par rapport à cela. Donc, c'était un point important concernant al-mu'ada. Et inshallah ta'ala, dans notre tarz suivant, sur concernant at-tawhid, ça sera notre sujet inshallah ta'ala. Qala rahimahullah akhbarana Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Salam bi Beirut qala haddathana Muhammad ibn Mus'ab wahshi qala haddathana ibn al-Mubarak an Amr ibn Waqid an Isma'il ibn Ubaydillah an Ummi al-Darda an Abi al-Darda رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول شيء نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان لعن الخمر وملاحات الرجال. لعن الخمر dans une رواية شرب الخمر le fait de boire de l'alcool. نعم محقق قال في المطبوع لعن الحمير. هذا الحديث إلى ضعيف بل إلى شديد الضعف إلى très faible. في سنده عمر ابن واقد إلى متروك الحديث أي ils ont rejeté son hadith متهم ils l'ont accusé de certaines choses. فلا شك أن هذا الحديث إلى ضعيف جدا. قال أبو حاتم رحمه الله يجب على العاقل أن يعلم أن ما يوده أن من يوده لم يحسده ومن لم يحسده لم يعاده فيكون للعدو المكاتم أشد حذرا منه للعدو المبارز. دونك لا مونتخي رحمه الله عليه ان العداوه على دي كوز العداوه على دي كوز. Pourquoi certains ils se détestent? Pourquoi certains ils sont des ennemis l'un pour l'autre? À cause de al-hasad, à cause de la jalousie. قال ابن حبان يعلم أو يجب على العاقل أن يعلم أن من يوده لم يحسده. يعلم أن celui qui t'aime, مودة فرعية fondée sur الحق sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, il ne te jalousera pas. لماذا؟ لأن لا جالوزي كما تقدم معنا ستمني زوال النعمة. الجالو يلسبر que cette personne elle n'a plus ce bienfait que Allah سبحانه وتعالى il lui a donné. Et celui qui t'aime, enfin il ne te jalousera pas. Celui qui te jalouse, en général il y a un problème في المودة. Même s'il t'a fait apparaître qu'il t'aimait, il y a un خلل في هذه المحبة. Il y a un manque clair. قال ومن لم يحسده لم يعاده. Et si il n'y a pas de jalousie, enfin il n'y aura pas de adawa, il n'y aura pas d'animosité. قال فيكون للعدو المكاتم أشد حذرا منه للعدو المبارز. ثم نصح ses frères croyants de faire attention à ce genre de adou, المكاتم الذي لا يظهر هذه العداوة, celui qui ne fait pas apparaître cette adawa, il fait croire أنه un ami. أنه c'est un ami proche, أنه c'est un allié, أنه il est avec toi, et en réalité c'est un ennemi qui veut ton mal. لهذا الإنسان كما قال Ibn Hibban, yajib ala al-aqil, on doit faire attention min hadha as-sin. Ash-shadda hadran, on doit faire attention plus encore que al-adu al-mubariz. Al-mubariz, c'est celui qui fait apparaître al-adawa. Limadha li anna celui qui fait apparaître al-adawa, son cas, il est clair. Tu sais que, mathalan, il ne t'aime pas. Tu sais qu'il veut du mal. Mais al-wa'adhum, ils disent. Annahum, ils vont essayer de faire, ils vont essayer de faire. Fahada la shak annaha, annaka tu seras ala hadhar minh. Tu feras attention. Amma al-akhtar, c'est celui qui ne fait pas apparaître al-adawa. Wa rubbama yankur, rubbama il ruse, il complote, il prépare des choses. Wa al-insan la yidri. Lakin celui qui place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, fa Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam kulla shay. Wa Allah subhanahu wa ta'ala yamkur bil makirin. Wa yamkurun, wa yamkuru Allah. Wa Allahu khayrul makirin. Ceux qui complotent, qui rusent contre leurs frères, Allah subhanahu wa ta'ala, il ruse contre eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est khayrul makirin. Limadha li annahu sait tout, il est capable de tout. Celui qui place sa confiance en Allah, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, ay kafi, comme on a vu auparavant. Lakin akhdhu al-asbab, c'est muhim. Faire les causes, c'est muhim. Surtout à l'époque qu'on vit, nastafid min hadha anna. Tu n'ouvres pas ton cœur directement à tout le monde. Le premier venu, tu lui dis tout. Et tu lui fais confiance dans tout. Et là, il faut avoir certaines limites, très certaines au départ. Limadha li anna al-sadiq wa al-akhhaqan. Wa sayati ma'ana un chapitre fi hadha ou des masail fi hadha. Yadhhar fi ou inda al-shada'id. Limadha li anna ton ami proche. Et ton frère, fillah, qui t'aime vraiment, tu verras cela, ou il apparaîtra, lorsque tu seras en difficulté. Amma wa'adannas yasta'jiloun. Yasta'jiloun, ils dévoilent certaines choses, et ils aiment directement très très fort, thumma ils sont déçus. Et hada, ça fait beaucoup de mal. Allez, hada, le mu'min, il doit apprendre à gérer hada. Qala rahimahullah, wa man wajada indahu mughtarran wa kana mimman la ya'fu. ثم لم ينتصف منه أصابته الندامة والرأي إذا كان من الأريب كان أبلغ في هلاك العدو من عدد الكثير من الجنود. Ça c'est important. أن ce عدو, cet ennemi pour le repousser, tu dois appliquer هذا. إذا كان من الأريب والرأي إذا كان من الأريب كان أبلغ في هلاك العدو. نعم, si tu demandes conseil, خاصة أنا Amen, huwa a'lamu mink, celui qui a plus de science que toi, qui a plus d'expérience que toi. Mathalan, ça peut être dans un problème dans le domaine professionnel. Et mathalan, un de tes proches, il a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Enfin, si tu lui demandes, il te montrera beaucoup de choses. Comment réagir, comment te comporter avec cette personne qui te fait des problèmes au travail, etc. Qala rahimahullah wa tarku al-adawati 'ala al-ikhwan kulliha. أحوط للعاقل من الخوض في سلوكها. نعم, tant qu'on peut éviter هذا, tant qu'on peut éviter هذه العداوة, هذه العداوة, أي des problèmes avec d'autres croyants, encore plus grave que cela, que ça atteigne le niveau de العداوة, comme si c'était un ennemi, c'est أحوط pour préserver son دين, pour préserver sa foi. C'est pour ça qu'on doit tout faire pour fermer les portes de هذه العداوة. لماذا لأن هذه العداوة, cette haine, cette rancœur, cette animosité entre toi et ton frère, en général, la yaslam, les deux côtés, ils seront touchés, affectés. Les deux côtés, ils ont à perdre. Et Shaitan, il en profitera. Peut-être une injustice, peut-être une mauvaise parole, peut-être un mensonge, peut-être un manque de patience. Et dans tous les cas, le croyant, il est perdant et c'est ce qu'il veut, Shaitan. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانِ. Ça, c'est un des objectifs de Shaitan. Vous avez remarqué que beaucoup de ayat et beaucoup de versets, ils montrent les objectifs de Shaitan. Et beaucoup, tu retrouves هذا. Le fait de semer la discorde entre frères, la division, que ce soit par rapport au couple, entre amis, entre frères, entre proches. Shaitan, son objectif et son travail quotidien, c'est هذا. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر Il peut employer hada, al-khamr ou al-maysir, les jeux de hasard, l'alcool. L'alcool, c'est clair. L'imad, il y en a celui qui boit, iyadan billah, il ne sait plus ce qu'il fait, obama, il commet une injustice envers son frère, ou envers une personne que son frère il aime, thumma, c'est une cause de adawa. Annahum, ils se détestent. Et ça devient des ennemis, iyadan billah. Kadhalik, les jeux de hasard, hada, c'est wadih. Bel ba'duhum, c'est devenu des ennemis, iyadan billah. Ils se comportent comme si c'était des ennemis à cause d'un sport. Et là, c'est très très grave. C'est ce qu'il veut, Shaitan. C'est ce qu'il veut, Shaitan. Le valet, on doit fermer les portes. Si un sport, il te pousse à avoir des problèmes avec tes frères, à rompre les liens de fraternité avec ton frère, à avoir un mauvais comportement, à t'énerver, etc. Ah là, c'est une fitna. Et Shaitan, il l'utilisera pour semer la discorde, la division et l'adawa. Comme tu le sais, wallahi, certains peuples, certains mouchtema de croyants, ils se détestent par rapport au foot, mathalan. Marouf, il m'a des pays, il m'a des villes. Telle ville, ils détestent telle ville. Pourquoi? Par rapport au foot. Cette ville, elle a un club, l'autre ville, elle a un club. Et Shaitan, il leur a fait croire qu'il y avait une rivalité entre eux et ils se détestent. La preuve, c'est que il y a des affrontements dans certaines villes autour des stades et ils se battent pour quelque chose de azim. C'est comme si c'était un conflit par rapport à de l'argent, par rapport à une terre, par rapport à un dîn, alors que tout ça, ce n'est pas le cas. Là, ils s'affrontent, blessés, morts. Beaucoup d'injustices, des voitures cassées, brûlées, il a arrêté. Pourquoi? Pour un match de foot, iyadam billah. Hadhihi al-adawa que Shaitan, il fait tout pour la semer entre les croyants. Fahdhar akhil karim, et préserve ton dîn. Préserve ton dîn et écarte-toi de tout ce qui peut causer al-adawa. Al-adawa qui n'est pas fondée sur le haqq. Wa illa taqaddam ma'ana anna al-adawa qui pour Allah subhanahu wa ta'ala. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Cette adawa, le fait de prendre al-kafir, al-mujrim, al-mushrik comme adou, le détester billah, sans bien sûr commettre d'injustice, abadan. Lakin hadhihi al-adawa, elle est dans notre cœur, ou plutôt elle doit être dans notre cœur. كما كانت في قلب إبراهيم والذين معه. هذه هي عداوة مشروعة بل سافي بارتي دو توحيد كما on a vu et comme on verra إن شاء الله تعالى. كذلك العداوة qui est fondée sur l'amour de la sunnah. نعم فالسلف كانوا يبغضون أهل البدع والأهواء وهذا معروف يعني أنا أبارلي كثيرا. أما عداوة من أجل un sport, pour un sport, ou pour quelque chose min ad-dunya, ou pour des wasawis, des choses qui n'existent même pas, mais que des suppositions, enfin, tout ça, c'est min ash-shaytan. Thumma qala rahimahullah, on passe directement au athar numéro 279. Qala haddathana Muhammad ibn Sa'id al-Qazzaz, qala haddathani Ahmad ibn Zuhayr ibn Harb, قال سمعت يحيى بن معين يقول قال ابن السمك لا تخف ممن تحذر ولكن احذر ممن تأمن. هذا كما تقدم معنا. لا تخف ممن تحذر اي ne crains pas ce que ils t'ont fait apparaître leur animosité. هؤلاء en général لا تخف منهم لماذا لان tu fais déjà attention leur adawa. Et leur harb, il est zahir. Là, tu fais déjà attention. Ton ennemi, tu sais que c'est un ennemi, tu es à la hadar. قال ولكن احذر ممن تأمن, لكن fais attention de celui الذي كما قال تأمنه. Et entre toi et lui, il y a certaines choses, il y a de la confiance, etc. هذا الحال احيانا si الشر vient de lui, ça fait beaucoup de mal. Sans tomber dans la paranoïa, sans tomber dans l'excès. Ton frère qui est à la khair, qui fait apparaître du khair et tu n'as jamais rien vu de lui, alhamdoulillah, on a vu beaucoup de chapitres sur al-mu'akha. C'est pour ça qu'on le répète, lier entre les chapitres, c'est très très important. وهكذا لي entre les versets du Coran et les hadiths, c'est très très important. كم من الناس انحرفوا, combien de personnes elles se sont égarées et elles ont basculé dans un extrême. لماذا? Certains, bien sûr, c'est la mauvaise intention, لكن la mauvaise intention accompagnée de هذا الجهل, prendre qu'une partie. أصلاً la parole d'un imam, كما تقدم معنا, c'est pas un délit. Le dalil, c'est قال الله قال الرسول. La parole de l'imam, ça dépend, est-ce qu'elle est en concordance avec les textes أملا. لكن بعض الناس, ils prennent la parole d'un imam comme c'est un délit, ils prennent qu'une parole, ils prennent pas les autres. هذا, ils ont une compréhension très très limitée du dit. هذا, c'est fondé, bien sûr, si هذا, الأخ, il peut faire des choses mauvaises. Ou il y a des قرائن qui montrent هذا, des indices, des choses qui montrent qui peut faire du shor. وإلا, s'il est à la khair, alhamdulillah, ton frère, tu l'aimes في الله. ثم قال رحمه الله, la page suivante, العاقل لا يأمن عدوه على كل حال إن كان بعيدا لم يأمن مغادرته وإن كان قريبا لم يأمن مؤاثبته أي هجومه, le fait qu'il lui fasse du mal directement. Enfin, qu'il soit loin ou près, cet ennemi peut faire du sort. De loin, il peut préparer certaines choses, et quand il est prêt, il peut faire du mal directement. L'insan, il doit être à la hadar. Al-mu'min, on l'a déjà cité, on le répète, al-mu'min, la'bud, la yakun ghafilan. La yakun ghafilan. La chacun, ba'd al-nas, ils veulent du mal. La chacun, ba'd al-nas, ils préparent certaines choses contre le mu'min. Tu dois être à la hadar. Et tu dois faire les causes pour repousser ce mal. Et la meilleure cause, c'est al-du'a. La meilleure cause, c'est l'istimrar fi al-adhkar. Khassatan adhkar al-sabah wal-masa. Et on a cité les causes, walillahi alhamd, dans la kalima qu'on a fait samedi dernier sur al-hasad. Et ça englobait la jalousie et tous les maux pour les repousser. فلا شك أن الدعاء فيها خير عظيم. Tu demandes à Allah سبحانه وتعالى qui te préserve. كذلك أذكار الصباح والمساء فيها خير عظيم pour préserver المؤمن. وهكذا d'autres causes comme la taqwa, s'écarter des péchés, placer sa confiance en Allah عز وجل, mettre en application العلم إلى آخره. قال والعاقل لا يخاطر بنفسه في الانتقام من عدوه فإنه إن هلك في قصده قيل أضاع نفسه وإن ظفر قيل القضاء فعله. هذا كذلك سي امبورطون ان احيانا بعض الناس يبل فير دو مال اي العاقل في تو pour ne pas suivre sa colère. لماذا؟ لان احيانا répondre, se venger, ça peut pousser à certaines choses. اما la mafsada les plus grandes, et le fait de te venger, tu te feras beaucoup de mal. اما être accusé de certaines choses, et non, c'est pas est-ce qu'on va patienter amla. فلهذا السلامة, c'est tant que tu peux t'écarter, préserver ton din, fais les causes pour préserver ton din et ton nafs. قال فالمعادات بعد الخلة فاحشة عظيمة لا يليق بالعاقل ارتكابها. Vu qu'on n'est pas à l'abri en tant que croyant, الإمام نحبان رحمه الله, il a fait cette précision. المعادات بعد الخلة. الخلة, c'est le plus haut degré de المحبة. Al-Mahabba, il y a différents degrés. Tu peux aimer fortement, tu peux aimer excessivement. Matalan, al-Ishq, c'est madhmoum. C'est l'amour, lakin avec excès. Hada, la yajouz. Et al-Khulla, c'est vraiment le haut niveau fil Mahabba. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, ittakhada Nabiyina Muhammad alayhi salatu salam wa Ibrahim akhilla. On dit مثلاً Ibrahim, c'est Khalilullah. On dit le prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام, c'est Khalil al-Rahman. Ça vient de ce mot al-Khulla. Al-Khalil, c'est celui qui aime fortement. Donc al-Mu'adatu ou بعد al-Khulla, le fait de prendre comme ennemi quelqu'un après l'avoir aimé fortement, fahishatun azima. Hala, c'est très très grave. Bien sûr, si c'est pas fondé sur notre dîn. أما détester quelqu'un, مثلا, c'était un musulman, on l'aimait fortement في الله, ثم عيدا بالله انحرف وخرج من الإسلام وارتد, et on le déteste في الله عز وجل, فهذا لا شك أنه ça fait partie de notre dîn et du tawhid. Là, on a al-murad, c'est bila sabab. Ou pour quelque chose qui ne mérite pas cela. Tu trouves, rien des frères, ils étaient ensemble, ils ont grandi ensemble, ils ont appris ensemble, ils ont fait des choses ensemble, ils ont voyagé ensemble. Du jour au lendemain, ça devient des ennemis pour quelque chose de taf. Imma, comme on a dit, pour un sport, imma pour. Imma, yadam billah, pour autre chose qui ne mérite pas tout cela. Ça peut arriver entre frères des problèmes, mais on ne doit pas atteindre ce niveau. Et on doit essayer de régler. Et on doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Fahishatun azima, c'est un très grave péché. Qala la yaliqu bil aqil irtikabuha, fa in dafa'ahu al waqt ila rukubiha, taraka lis sulh mawdi'a. Et hadhihi nasihatun nafisa. Vu que ça peut arriver, on est des êtres humains, on a des faiblesses, on a des manquements. Khassat à une certaine période, l'insan yad'ouf. Pour certaines raisons, il faiblit, sa foi le faiblit, et il peut avoir un mauvais comportement, dire certaines choses. Et il y a une cassure avec son frère. Ça peut atteindre le niveau de l'adawa. Hatta ils se prennent pour ennemis, iyadam billah. Qala fa in dafa'ahu al-waqt ila rukubiha. Si un jour ça arrive, et ça peut arriver, une épreuve, min Allah azza wa jal, il t'éprouve. Comme قال عز وجل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. Allah subhanahu wa ta'ala قال on fera de vous, ou entre vous, c'est une fitna. وجعلنا بعضكم, et entre vous êtes une fitna. Je suis une fitna pour toi, tu es une fitna pour moi. Est-ce que je vais patienter sur toi? Est-ce que tu vas patienter sur moi? فلهذا قال عز وجل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. Est-ce que vous allez patienter? Enfin, si l'insan il est confronté à cette fitna, قال رحمه الله ترك للصلح موضع. Laisse toujours une place pour صلح. الصلح, ça veut dire quoi? La réconciliation. Ne jure pas. Anaka, c'est fini. Ne fais pas certaines choses très très graves qui auront un énorme effet sur ton frère et il refusera la réconciliation. Laisse toujours une place. Fallait, ne le prends pas comme ennemi, comme c'est un kafir. Faire des choses, iyadam billah, là. Là, نستطيع أن نذكرها الآن. Toujours laisser une place pour الصلح. قال رحمه الله وأنشدني أبو الدرداء موسى ابن عبد الله لأبي الأسود الدؤلي وأحبب إذا أحببت حبا مقاربا فإنك لا تدري متى أنت نازع. نصيحة جميلة de ce point. Si tu aimes وأحبب إذا أحببت حبا مقاربا. Si tu aimes avec هذا الحب, أي sans excès. بعض الناس ils s'attachent trop au départ et ils ont un excès في هذه المحبة. قال فإنك لا تدري متى أنت نازع. لأن tu sais pas, un jour il peut arriver une chose dans laquelle tu dois te séparer. Peut-être une cassure, peut-être une chose qui va arriver et tu dois le détester, villa. On doit aimer notre frère par rapport au din. Et ils n'arrivent plus à délaisser, de passer maintenant de l'amour, à détester l'iman. Ils se sont trop accrochés. On doit faire attention de tous les excès, que ce soit fil mahabba. كذلك قال وابغض اذا ابغضت غير مجانب فانك لا تدري متى انت راجع. كذلك, si tu détestes, ça peut arriver certaines causes où tu faiblis, que ce soit autorisé ou un péché. قال فانك لا تدري, attention de ne pas dépasser les limites. فانك لا تدري متى انت راجع. Tu sais pas, peut-être que un jour il va faire un pas ton frère, ou un autre frère va vouloir réconcilier. Enfin, ne dépasse pas les limites. Hatta, même si c'est passé quelque chose, tu peux revenir. فَلِهَذَا احْذَرْ مِنْ لِسَانِكَ عِنْدَ الْمُخَاصَمَةِ. Fais attention à ta langue quand il se passe quelque chose avec ton frère. وَعَدَلْنَاسِ, c'est une petite chose au départ. ثُمَّ, il y a une dispute et il dit certaines choses et avec ces choses, c'est très très difficile de réconcilier. Alors qu'au départ, il n'y avait pas grand-chose. Il sort des choses personnelles, des choses très très dures. Thomas, si tu veux réconcilier, c'est difficile. Un pot cassé, c'est très très difficile de rassembler les morceaux. Qala rahimahullah, fama balouk, avec un cœur. Un cœur cassé, neuf se chey. C'est très très difficile de recoller. Qala wakun معدنا للحلم وصفا عن الأذى فإنك راء ما عملت والسامع. كما on a vu au départ. On n'oublie pas le hilm. Le hilm, c'est la patience. Ça ressemble au sabr. On n'oublie pas كذلك الصفح. Ça ressemble à l'afou, pardonner. Pourquoi? فإنك راء ما عملت والسامع. لأنك كما تدين تدان. والجزاء من جنس العمل. Comme tu fais, on te fera. Enfin, si tu patientes, si tu pardonnes, Allah subhanahu wa ta'ala, كذلك, il te facilitera des gens qui patientent avec toi et qui te pardonnent. Bel Allah subhanahu wa ta'ala, il sera halim avec toi et il te pardonnera. ثم قال رحمه الله أخبرنا محمد بن المنذر قال حدثنا عصام بن الفضل الرازي قال حدثني الزبير بن بكار عن محمد بن حرب قال قال عبد الله بن حسن لابنه محمد إياك ومعادات الرجل أو قال إياك ومعادات الرجال فإنها لا تعدمك مكر حليم أو مباذة جاهل. Attention à هذا. Ibn Hibban il a expliqué. قال رحمه الله العاقل لا يعادي على الحالات كلها لأن العداوة لا تخلو من أن تكون لأحد رجلين. Ibn Hibban il a donné ce conseil. أن لا تعادي على الحالات كلها. أي n'essaie pas de te venger dans toutes les situations, de répondre dans toutes les situations. Pourquoi? قال لأن العداوة لا تخلو من أن تكون لأحد رجلين. Ça, ça montre que tu dois regarder, tu as qui en face de toi. Ça peut être comme قال إما حليم لا يؤمن مكره. إما une personne, il a du حلم. Ça veut dire quoi? هنا il a du حلم. Ça veut dire qu'il patientera. Il te laissera faire لكن ينكر بك. لكن il va ruser. Et ربما tu vas vouloir répondre et ouais, il va répondre encore plus fort et te faire du mal. Et tu seras le perdant. قال أو جاهل لا يؤمن شتمه أو un ignorant qui n'a pas de limite. Un tas, tu vas vouloir lui montrer son erreur, vouloir lui montrer certaines choses, et ouah, directement, il va insulter, il va crier, il a harcelé. Via dalhal, préserve ton din et ton honneur. Et si quelqu'un a commis une injustice, demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te préserve. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala ton haq. Et c'est ton frère musulman, et tu peux lui pardonner. Et tu peux faire le premier pas, comme on l'a vu, pour réconcilier. Fahada fihi khayr. Et bien sûr, il y a du cas par cas. Ahyana, le musulman, il doit répondre. Ahyana, il ne doit pas se laisser marcher dessus. Ahyana, vaut mieux reculer, fermer les yeux. Tout ça, ya ikhwan, ça revient au masalih, au mafasid. C'est pour ça que Kalam ibn Hibban, il est âme, il est général. Et kadalik, nous, on n'essaye pas trop de citer d'exemple. Il y en a faute de temps. Et kadalik, pourquoi il y en a dans beaucoup de situations, c'est du cas par cas. فَلِهَذَا مِنَ الْمُهِمْ فِي هَذَا الْبَبْ. Celui qui a un problème, que ce soit niveau justice, niveau professionnel, que ce soit avec des proches, ça arrive beaucoup, que ce soit niveau couple, il a أَخِرِ مِنَ الْمُهِمْ, c'est de revenir à أَهْلُ الْعِلْمِ et de citer sa situation. Dans certains cas, vous verrez que les savants, ils donnent comme réponse la réconciliation. Et de fermer les yeux et de pardonner. Dans certains cas, les savants, ils disent là, vaut mieux une séparation. Que ça soit couple, que ça soit un associé dans le commerce, que ça soit un ami de le délaisser. Le fait de rester, il y a des mafasid, il y a des énormes méfaits. Et il n'y a pas beaucoup de profits. Donc si les profits ils sont plus grands, on aura une réponse. Et si les méfaits sont plus grands, on aura une autre réponse. Et hada kadhalik, al-insan, il peut comprendre beaucoup de ces points avec l'ilm. Avec l'ilm. لماذا لأن المصالح المفاسد elles sont fondées sur l'ilm. Elles sont fondées sur la science. Mazalan, tu peux demander à un savant et il te dit la patiente. Patiente. Et il te cite des preuves. Pourquoi? Parce que le savant il réfléchit avec le Coran ou le Sunna. Et il va te donner une réponse pour que tu profites bi'idnillahi azza wa jal dans ton din. Tu peux demander à un ignorant ou un ignorant il entend ta situation et il te conseille l'inverse. Il te dit là, je serai toi, je fais. Limada, l'ignorant, ouais, il réfléchit avec quoi? Avec ses sentiments. Et quand avec l'ignorant, il ne voit pas loin. Et l'ignorant, en général, il a cette chose de vengeance. Amma al-alim là, l'alim, il réfléchit et il te donne une réponse qui est fondée sur din. Hey, tu dois te comporter pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour toi-même. Donc, c'est totalement différent. فَلِهَذَا النَّصِيحَ, c'est de ne pas se précipiter. de prendre un texte, la parole d'un imam qu'on cite, ou un vers de poésie, ou même un dalil sans revenir au savant, khassadan dans ce genre de point. Qala rahimahullah. بعد ذلك, la page suivante, wa ashaddu makiyadati al-adu ma ya'mal fik min sabil ma'manik wal ghalib bish-shar maghlub. Qala wa inna min a'zami al-a'wan 'ala al-a'da' ta'ahud al-mar ولده وعياله وخدمه وتوقيه إياهم من المعائب والزلات. إيه نعم. إيه هذا سان بوان تري تري امبورطون. لأن العدو l'ennemi, celui qui veut ton mal, il fera tout pour toucher ce que tu aimes le plus. خاصة certains, c'est vraiment des أعداء. Ils veulent vraiment faire du mal. Ils ne font pas semblant. On parle pas de un frère avec qui tu as un problème. Et il y a une, même si une adawa elle est légère et le temps, ça c'est très profitable, thumma une réconciliation. Là, on parle de certains adawas, certains, celui qui te prend comme adou, comme ennemi, par rapport à ton dîn, ou par rapport à ton accrochement à la sunna du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ou là, qu'est-ce qu'ils font pour te faire du mal? S'ils n'arrivent pas directement à te faire du mal à toi, ils essaieront de faire du mal à ceux que tu aimes. خاصة الأولاد خاصة للزنفان فلهذا قال ومن أعظم الأعوان على الأعداء تعاهد المرء ولده وعياله وخدمه وتوقيه إياهم من المعائب والزلات. كذلك بعضهم يبخن certaines erreurs des proches pour te faire du mal. مثلا واحد il a un problème avec un autre, il dit mais ta femme elle a fait, mais ton fils il fait, mais tes enfants ils ont fait. فلهذا الإنسان يدور faire les causes pour préserver son honneur, préserver son دين, préserver l'honneur de sa famille, préserver le دين de sa famille. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Faire des causes في هذا. Et parmi les causes qu'on doit tous faire, c'est nous-mêmes de ne pas habiter chez les ennemis de l'islam et encore plus nos enfants. لماذا لأن nos enfants c'est des enfants avec les faiblesses d'enfants. Et تعلمون أن les enfants ils s'adaptent où qu'ils sont. Les enfants ils n'ont pas cette notion aimer pour Allah, détester pour Allah, faire attention. Là, l'enfant tu lui donnes et tu lui donnes de l'importance, il t'aimera, il sera très proche de toi. Tu lui donnes pas et tu ne lui donnes pas d'importance, il s'écartera. ولو تأقرب قريب. Et celui qui lui donne et lui donne de l'importance, il l'aimera, il se rapprochera de lui, il lui donnera de l'importance, même si c'est min abadin nas. Fa min huna, c'est pas min al-hikma ya ikhwan. Et ça c'est une nasiha pour tout le monde. C'est pas min al-hikma de laisser nos enfants chez les ennemis de l'islam. Fa hal ta'man alayhim? Est-ce que tu as une garantie? Est-ce que tu penses qu'ils sont préservés? Nos enfants, ils ont un cœur. C'est pas une pierre qu'ils ont dans la poitrine, ya ikhwan. Et ce cœur, il est athr. Bel, al-ulama, yaqulun, anna al-qalb summiya qalbun. Pourquoi ils ont appelé le cœur qalb en arabe? Li'annahu yataqallab. Yataqallab, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il change très vite de position. Vous avez remarqué que le cœur, il est instable. Fali hadha, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kana yukthir min qawlihi Allahumma, ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Vu que ce qalb, il est très instable. Et qui sait qu'il le change de position? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. فَلِهَذَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ demandait يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ. Ya Allah, toi qui fais bouger, changer les cœurs. ثُبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ. Ça, c'est une cause. Enfin, nos enfants, ils ont ce cœur. Ils ont un cœur d'enfant avec tout ce que ça implique. Comme insouciance, comme naïveté, etc. Enfin, c'est pas min al-hikma qu'on laisse nos enfants chez les ennemis de l'islam. Wallahi, anna les poser le matin, indahum. Jusqu'au soir, c'est min akhtar ma yakun. Bel comme قال, si on répète l'an, wa inna min a'zam al-a'wan 'ala al-a'da ta'ahud al-mar waladahu wa 'iyalahu wa khadamahu wa tawaqqih iyyahum min al-ma'aib waz-zallat. Pourquoi? L'an, ton ennemi, il pourra utiliser cet être que tu aimes tant, ton enfant, contre toi. Et comme c'est arrivé, vous l'avez tous entendu, on a des enfants musulmans qui témoignent contre leurs parents. Nasharou, il y a quelque temps, on a une fille, elle a témoigné contre son père, elle a la force de mettre le hijab, elle ne la laisse pas sortir. Alors que son père, s'il lui a dit de mettre le hijab, son père, c'est lui son responsable, Shor'an. Et s'il lui a dit de mettre le hijab, c'est que c'est une obligation. S'il la laisse pas sortir, c'est pour la préserver contre al-dhi'ab ou al-mujrimin. Lakin, les ennemis de ce père, vu que c'est des ennemis de l'islam, et ils veulent pas le bien de cette fille, ben, ils ont utilisé cet enfant contre lui. Ils ont dit à cette fille, tu es libre. Pourquoi porter le hijab? Tu es encore jeune, même jeune ou pas, ils veulent pas qu'elle porte le hijab. Thomas, elle a le droit de fréquenter des hommes, elle a le droit de sortir. Et cet enfant, il a basculé du côté des ennemis de l'islam et du propre père. Mettez-vous un instant à la place de ce père. Un a cet ennemi, le combat avec son propre enfant. Lakin, si tu fais les causes pour préserver ton enfant, et ton enfant, walou, si tu as des faiblesses, ton enfant, tu fais tout pour qu'il soit inda al-muslimin. Et même si il sera exposé à certaines choses, fibla al-muslimin, ça ne sera pas combattre son cœur avec le kofr ou un nifaq, iyadan billah, là. Il sera exposé à certaines choses. Ou, mathalan, un enfant, il peut dévier dans certaines choses. Fumer, voler, ça arrive, hadab, bien sûr, même fi bilad muslimin. Lakin, walillahi alhamd, niveau islam, il sera beaucoup plus préservé que fi bilad al-kufr. Amma fi bilad al-kufr, vous avez remarqué, al-harbu, al-shadid contre les enfants des musulmans. Hatta dernièrement, pour les combattre encore plus, ils ont retiré l'école à la maison. Les madha, on est tous d'accord, ils ne veulent pas notre bien. Abadan, ils ne veulent pas que tu ailles à l'école pour que tu sois comme eux. Parce qu'ils veulent ton bien pour que tu réussisses. La preuve, quand tu finis l'école, ils te combattent niveau travail. Ça prouve que professionnellement, ils ne veulent pas qu'on s'en sorte. Lakin, c'est pourquoi? Pour avoir plus d'emprise. Les Anahoum, s'ils ont de l'emprise sur cet enfant, ils ont de l'emprise sur toi. Enfin, Anta, c'est comme si tu étais fi ma'araka azim. Et l'échec, c'est une ma'araka. C'est une bataille, c'est un combat. Pas avec les armes. Là, c'est une ma'araka d'idées. On diverge avec eux, dans les idées, dans notre croyance. Nous, min billah, eux, non. Et on diverge dans tout, pratiquement, ma'ahoum. Enfin, c'est comme si tu étais dans ce combat. Et au lieu de te préserver contre cet ennemi, enfin, pardon, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent leur enfant à l'ennemi. Qu'est-ce que tu penses que cet ennemi, il va faire? Il va tout faire pour te mettre à terre. Et c'est ce qui arrive. Falnattaqillah, azza wa jal jami'an, et qu'on fasse les causes. Voilà, t'as donné cet enfant, s'il vient fi bilad muslim, il va mourir de faim. Il va tomber malade. Bon, ils pensent, s'ils viennent fi bilad muslim, ils vont tomber malade. Ils pensent directement à l'hôpital. Ya akhi taqillah. Place ta confiance en Allah Azza wa Jal. Comme ils vivent fi bilad muslim, ils ne sont jamais tombés malades. Walillahilhamd. Thumma, si un de tes proches, il tombe malade, enfin, tu verras à l'instant quand il tombe malade, alhamdoulilah. Tu peux le soigner fi bilad muslim, tant mieux. Tu peux pas. Tu pourras voyager. Il a arrêté. Enfin, attention. Le shaitan, il fait tout pour mettre cette peur dans notre cœur. Pourquoi? Pour qu'on reste auprès des alliés de shaitan. Les anha'oula, ils font partie de Hizb al-Shaitan, comme akhbar Allah Azza wa Jal. Tu as deux Hizb, Hizb Allah, Hizb al-Shaitan. Haoula, c'est Hizb al-Shaitan. Shaitan, il fera tout pour que tu restes auprès des siens. Comme ça, il te combat mieux. Toi et ta famille. Enfin, dès qu'on parle de adou, ce dars. Ibn Hibban, il n'a pas détaillé, vous avez remarqué, le chapitre il est assez court. Et Ibn Hibban, il s'est surtout consacré sur Al-Ida par rapport aux relations entre frères. Lakin, nous, on doit voir plus loin. On doit voir plus loin, on doit voir Had Al-Ida vidinillah, Azza wa Jal. Et cette animosité, ce combat qu'ils font contre l'islam. Et on doit se préserver. Et même fi bilad al-muslimin, tu verras que ce n'est pas simple. C'est pas simple se préserver des ambiguïtés, élever ses enfants. Khassatan, avec Internet, beaucoup de portes elles se sont ouvertes, même fi bilad al-muslimin. Lakin, alhamdoulillah, il y a du khair. Et c'est beaucoup plus facile. Et même s'il arrive quelque chose fi bilad al-muslimin, tu as fait la cause. Tu as un udr indallah subhanahu wa ta'ala. Tu as un udr, j'ai fait la hijra, j'ai fait ce que je pouvais pour préserver mes enfants. Si wahed, il dévie, iyadan billah, ben, tu as fait les causes, tu as tout fait pour lui faciliter. Amma. Celui qui place ses enfants à Ind al-Kafara, ya Ikhwan, c'est pas facile. C'est pas facile, ben c'est très très compliqué, ben c'est très très dangereux. Qu'est-ce qu'ils vont lui apprendre? Ils vont lui apprendre tout ce qui contredit hadhihi al-akhlaq. Enfin, c'est pas min al-hikma que nous, le soir, on étudie ensemble ce livre sur les bons comportements. Thumma, le lendemain matin, on place nos enfants chez ceux qui combattent ces comportements. On doit être cohérent. C'est pas simple. Il faut faire un effort. Et nous, on n'est pas là pour critiquer ceux qui n'ont pas encore réussi à se déplacer. Abadan. Abadan. Les faiblesses, ça arrive et c'est compliqué. On n'a pas tous la même situation. Lakin, il faut se dire les choses. On conseille d'aïman les frères de ne pas critiquer les frères qui sont encore là-bas. Là. ça arrange rien. Là, de les aider, ou avec une bonne parole, ou avec une nasiha. Lakin, on doit montrer le danger. Et celui qui te montre le danger, Wallah, il sait qu'il veut ton bien, comme Ataqaddam. Mais certains qui font da'wah, ils parlent de tout sauf les hijras. Pourquoi, Aliana? Certains, ils réfléchissent comme du commerce. Si certains, ils partent, j'ai moins de clients. Ça, c'est Ménel Riche. On doit être clair et on doit être véridique entre nous. C'est la solution. C'est la solution. Kadalik, on apprend à tawhid. Mais idnillahi azza wa jal, on va continuer et essayer de finir idnillah notre risala sur le tawhid. Donc, le lendemain matin, on place nos enfants chez ceux qui combattent le tawhid. Un des savants qui déteste le plus le kafara, c'est Cheikhoul Islam, Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et Kadalik, parmi les choses qu'il déteste le plus, c'est de parler de hadha tawhid que les prophètes et les messagers ils ont appelé, qui est fondé sur al-hubb wal-bughd, aimer et détester pour Allah. Et on a cité le verset sur Ibrahim, alayhi salatu salam. Kadalik, comme ils appellent à quoi? Ils appellent à la liberté totale. Liberté de choix, liberté de croyance. Anta, tu apprends, annahu la ilaha illallah. Donc tu n'as pas le choix, personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. Si quelqu'un décide d'adorer autre qu'Allah, même si c'est au nom de la liberté et la tolérance, c'est un mushrik billah. Wa man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Celui qui fait du shirk akbar et qui meurt à la dalik, Allah il a informé annahu il rentrera jamais au paradis, il sera éternellement en enfer. Placer nos enfants chez haoula, c'est très très dangereux. On doit bien nous, et ça c'est une des causes pour nous faciliter à tous. Faciliter à nos frères, ceux qui n'ont pas encore réussi à quitter Bilal Kufr et Kadalik, faciliter à nos frères, ceux qui sont déjà fait Bilal Islam pour les raffermir, bi-idnillahi azza wa jal. C'est pas une histoire de Al-An, Annahum, ils combattent le hijab comme c'était à l'époque. Annaka, tu peux pas faire la salat, ou tu peux pas mettre un qamis, ou tu peux pas mettre le hijab. Là, le makr, il est akbar. Faut bien comprendre, hada. Faut bien comprendre. Annahum, c'est un harb contre aqidati ahli sunnati wal jama'a. Il y a quelque temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est une preuve claire sur ce que je viens de dire. Annahum, il n'y a pas longtemps, hada, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont interdit un des livres de l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab pour les enfants. On cite le titre. Un livre sur le tawhid pour les enfants. Abonde des questions-réponses. Les petits livrets en français. Les noms, ils savent très bien que da'watu al-shaykh rahimahullah, c'est le haq. Ils savent très bien il a des arguments très très forts. Kitab ou sunnah. Vous avez remarqué les livres de Cheikh l'Islam, Kathiran, c'est ça. Ils parlent peu des adillah min al-Qur'an. Les ma'adha, ils ont interdit ces livres. Alors qu'il y a des livres min ru'us al-takfiri. Comme Sayyid Qutb et son frère et d'autres min al-khawarij, min al-ikhwan. Et en France, ils se vendent partout. Les ma'adha bizzat, ce livre, les ma'adha, les naoumi, savent que si les enfants, ils apprennent hadha tawhid, ça changera tout. Et hum, ils ne veulent pas hadha. Ils veulent que tes enfants, ils deviennent comme les leurs. Comme les leurs. Hadhihi nasiha pour nos frères. Anna al-adou la yarhamak. Wallahi, un ennemi, c'est ça. Un ennemi, en général, la yarhamak. Il ne te fera pas miséricorde. À toi, à tes enfants, niveau financier, niveau... Belle, combien de frères Fibel al-Kufri, ils ont perdu la garde de leurs enfants. Pour aucune raison légitime. Et là, ils voient les parents souffrir, pleurer, ils n'ont aucune rahma. Ils feront tout pour cela. Fallait préserver notre dîn, préserver notre honneur. Ma Fibel al-Muslim, même si tu as moins de confort, si on qadr. Alors que, alhamdoulilah, on vit dans une époque où Allah, il y en a fait barbe Bilal al-Muslimin, tu auras même niveau dunya, tu peux avoir plus. Et certains frères, alhamdoulilah, ils ont plus que ce qu'ils avaient fait Bilal al-Kufr. Même si on qadra anahu, il y a des manques dans certaines choses, pense à ton din, pense à cette aqida, pense à cet enfant qui grandira fait Bilal al-Muslimin. Et alhamdoulilah, tu verras les fruits fi dunya, qabla al-akhira, bi-idnillah azza wa jal. Cet enfant qui parle l'arabe, cet enfant qui a un comportement, wallahi alhamd, comme les enfants fi Bilal al-Muslimin. Même si on qu'est-ce qu'un enfant il reste neutre, maintenant il va pas à l'école, il va pas dans tel endroit. Le fait d'être fibilé de kufr, min Allah azza wa jal, il y a une différence entre les enfants hunak et les enfants ici. Différence dans plein de choses. Ça fait tout un tas pour être une cause pour que tes enfants ils s'épanouissent fibilé de muslimi. C'est pour ça que vous avez remarqué que ce qui se passe là avec les migrants, beaucoup de haoula ils sont d'origine d'un pays musulman. Des pays d'Afrique ou autres. Pourquoi tu trouves l'un, il sacrifie ou il met en danger sa vie. Il laisse sa famille. Wallahi, ba'dhum, ils avaient des commerces, des maisons, ils ont tout abandonné Et ils sont morts noyés. Ah oui, ils sont comme des, Iyadam Billah, des SDF dans certains endroits, dans des foyers, etc. Pourquoi? Les Mahdali, ils leur ont vendu ce rêve. Un à l'avenir, c'est Hunak. L'autre côté de la Méditerranée, il n'y a aucun avenir. Et chez eux, c'est l'avenir. Et tu trouves un Ba'd al-Muslimin, s'il pourrait, il ferait le voyage home à l'inverse. Il quitterait Bilal al-Muslimin pour aller faire Bilal al-Kufr. Cette guerre contre les cœurs, ils font croire que l'avenir, c'est chez eux. Alors que al-Muslim, al-Sunni, qui connaît sa aqida, il sait que l'avenir nafi', l'avenir profitable, c'est préparer l'au-delà. Tu peux mourir à tout moment. Maintenant, ceux qui migrent qui émigrent maintenant d'un Bilal musulman pour aller vers Bilal Kufr, ils meurent noyés, Iyadam Billah. Ils auront des comptes à rendre au Qiyam. La mort, elle est venue d'un coup. On doit préparer cet avenir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tu mourras. Thumma, tu seras interrogé dans ta tombe. Thumma, tu seras interrogé yawm al-qiyamah. Thumma, tu seras éprouvé yawm al-qiyamah. Est-ce que tu feras partie de ceux qui boiront min al-hawdam? Est-ce que tu feras partie de ceux qui traverseront sirat amla? C'est cet avenir que tu dois préparer. On a déjà enseigné à nos enfants la traversée du sirat. Là, il leur enseigne quoi? La traversée de la Méditerranée. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'un dunya. Nous, en tant que croyants, en tant que Ahl Sunnah, on essaye d'apprendre notre thé. On doit enseigner à nos enfants, est-ce que tu es prêt pour traverser ce sirat? Ah, certains en parlent, bien sûr, si l'enfant il a atteint un certain âge, tout va lui apprendre, ça lui servira plus tard. Cette éducation, on doit la donner à nos enfants. Est-ce que tu es prêt pour traverser ce sirat? C'est quoi qu'il faut pour traverser ce sirat? C'est quoi? C'est at-tawhid, c'est les bonnes œuvres, chacun par rapport à ses œuvres. Enfin, c'est cela qu'on doit enseigner à nos enfants. Thumma kadhalik, qu'est-ce que tu es prêt si tu meurs l'an? Est-ce que tu es prêt pour répondre aux questions? On lui enseigne maintenant al-usul, al-thalatha, wa hakada, des points profitables pour son dîn, des points essentiels pour son dîn. Kadhalik, mettre en garde nos enfants contre afkar ha'oula, l'avenir c'est l'akhirah, sans négliger ce bas monde. Il aura besoin de travailler, il aura besoin de se débrouiller, il aura besoin de certaines choses. Lakin, sans oublier l'essentiel. Il y en a sept enfants s'il grandit indal muslimin. Et encore plus s'il apprend son dîn. Mais idnillahi azza wa jal, il aura toutes les provisions pour affronter cette dunya. Jusqu'à sa mort, mais idnillah. Il a de l'argent ou il n'a pas. Il est en bonne santé ou il n'est pas en bonne santé. Tu es près de lui ou tu n'es pas près de lui. Un enfant qui n'est pas préparé, qui pense qu'à son avenir, qu'au diplôme, qui pense qu'à travailler, qui pense, il sera pas prêt à affronter cette dunya. Vous avez vu il y a quelques jours, on a des étudiants, ils se sont suicidés, iyadam billah, par rapport à un diplôme. Les malades, ils leur ont retardé leur diplôme, madri, ils savaient pas trop, ils se sont suicidés. Les malades, les anoum, ils sont pas prêts. Al-qalb, il est kharban. Cet enfant, s'il n'est pas prêt, un jour, il trouve pas du travail. Ça lui fait beaucoup de mal. Badenas, il se suicide parce qu'il ne trouve pas de travail. Cet enfant, Obama, il sera confronté à certaines choses, certains problèmes. Il n'arrivera pas à patienter. Même s'il a une place, même s'il a un diplôme. Et il ne sera pas heureux. Amma, un enfant qui est élevé à la sunnah, idnillahi azza wa jal, il a tout pour être heureux. Qala Allahu azza wa jal, wa man a'rada an dhikri, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Ammal hadhihi al-aya. Celui qui s'écarte du dhikr d'Allah. الذكر هنا c'est الدين, c'est la religion d'Allah. ومن أعرض عن ذكري, celui qui s'écarte de la religion d'Allah, فإن له معيشة ضنك, il aura une vie de ضيق, de ضنك, il sera jamais heureux. Et تأمل حال الكفار. Est-ce que tu veux cela pour tes enfants, أخي الكريم? Est-ce que un de nous il veut cela pour son enfant? أبدا. On veut tous le خير. فالخير c'est في دين الله عز وجل. Le bien il est dans la religion d'Allah سبحانه وتعالى. C'est la priorité, sans négliger le reste. Bien sûr, tant que c'est pas du haram. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات للجميع والتوفيق لإخواننا الكرام والحمد لله. On passe au درس suivant. إن شاء الله.